satisfaire mon ça. Je dévore la plaine à l'appel des sirènes. Le vent grince d'ennui, c'est l'hiver qui finit. Je tremble un peu quand même dans ce train qui m'emmène trop loin d'ici et de mes vies pour qu'il me reste du mépris pour ces époques immobiles. J'étais ce fou, tellement docile. Le ciel change sans cesse pour dévorer la terre. Il dévale de la mer et fait taire l'allégresse. La brume se disperse. C'est ma ville qui approche. Je vais vers ma vieillesse pour retrouver mes proches. Trop loin d'ici et de mes vies pour qu'il me reste du mépris ces époques immobiles où j'étais ce fou tellement docile. J'étais ce fou.